Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, le romantisme à l'américaine. Pour Tom, la vie est belle. Ses affaires marchent, il a d'excellents amis et aucune jeune femme ne lui résiste. Pourtant, malgré ses copains et ses flirts, Tom n'a qu'une seule meilleure amie, Anna. Tom n'a aucun mal à trouver les petites amies. Oh, je crois que j'ai pris le vôtre, je suis désolée. Gloria, sympa. Mais il préfère se consacrer à sa meilleure amie. T'es gagnant sur les deux tableaux, Tom. Je peux coucher avec n'importe quelle fille, mais Anna est le point de repère de ma vie. Je vais pas aller à tous les mariages de ton père. Ce sera le dernier, je te le promets. Si tu ne te remues pas immédiatement, je vais faire d'elle mon numéro 6. Oh, je pars en voyage d'affaires en Écosse pour 6 semaines. 6 semaines? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je suis sûr que tu te débrouilleras. Je déteste l'Écosse. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? J'en sais rien. En fait, peut-être qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, les mecs. Je comprends rien de ce que tu dis. Je te suis pas du tout, là. Je vais le dire à Anna. Quand elle rentrera, je lui dirai que je veux partager sa vie. Je suis fiancée. Ah. Il a fait sa demande et j'ai accepté. Wow. Magnifique. Si c'est toi qui te mariais, je suppose que je serai ton témoin. Hein? Tom, acceptes-tu d'être mon témoin? Ton témoin? T'as plus de chances d'empêcher ce mariage de l'intérieur que d'un autre continent. Sa famille est liée à la royauté. Que la compétition commence! Le témoin amoureux, une comédie de Paul Weiland avec Patrick Dempsey et Michelle Monaghan, un DVD Sony.